T'as cru que la gloire donnait chaud, va maintenant j'ai l'escalier. Quand t'as choisi l'ascenseur, moi j'ai choisi l'escalier. Car on dit tout compris depuis l'époque des Lego. Comment poursuivre l'école quand t'entends que les hommes sont égaux. Ça fait des siècles que les frères se la mettent en douce. Plutôt que faire la farce, ils préféreront la mettre en touche. La vie est courte et pourtant tu joues le man. Y'a pas besoin de volant pour voir un frère qui tourne mal. Il voudrait qu'on se range, qu'on dépose nos armes à terre. Quand Twitter me dit que ma vie ne vaut que 140 caractères. Comprendra qui pourra pas. C'est une manière de te dire si t'es con tu comprendras pas. J'sais pas quoi demain est fait, j'vais peut-être crever en moto. Si ma voyante est si voyante, pourquoi elle gagne jamais au loto. Tu veux connaître ton futur, et ben regarde ton présent. J'ai pas vu un éboueur un soir devenir président, tu vois le truc. Y'a pas de secret, si tu crois en personne, bah au final y'a pas de regret. Cousine tu pleures parce que ton bouffon t'a quitté. Allez, retourne faire de la télé-réalité. Ce que te fait comprendre la TV, et franchement j'hallucine. C'est plus t'es con, plus t'as des chances de réussir. On dit aussi ici que si tu suces tu montes. Et quand je regarde la plupart d'entre vous, je me dis que c'est déjà la fin du monde. Les rappeurs racontent la merde avec leur beat. Les moches se trouveront moins belles quand les mecs ne penseront plus avec leur beat. Didier est une meuf bien mais tous les soirs t'amuses. Ta lutte fait mal au crâne comme la sirène du SAMU. À 14 piges elle suce, roule des oins avec une clope. Elle part de se marier mais s'habille comme des salopes. Le monde va mal mes frères, le monde va mal. Et va pas croire que ta vie va changer parce que c'est déjà Obama. Qu'on fasse des kill eyes, la haine est en moi. Oui j'aime pas la lumière alors je rapperai dans le noir. Je vais pas te mentir, comment voir le bout du tunnel. Que faire quand la rue te dit s'il te plaît, dis-moi que tu m'aimes. On vit dans le black alors tous les bateaux s'allument. Un soir viendra, on partira sans dire salut. Je préfère qu'anéantie banque vive dans la matrice. De toute façon, au final, toutes nos fins seront dramatiques.